Beep ba la la da. Beep ba la la da. Beep ba la la da. Si je vois du jazz, je m'envoie très loin. Beep ba la la da. Beep ba la la da. Beep ba la la da. Si je vois du jazz, je m'envoie très loin. On fait nos bails, on s'en tape debout. Tous les jours, on vit des trucs de fou. On garde le sourire, on reste debout. Ils sont jaloux, ils font que parler de nous. Je vais bloquer ma tasse, ou debout. On tourne avec le pote, on dirait deux fous. Avec mon main, je touche le garde-boue. MC, puis vous êtes devant le bébou. Le malheur m'a pas raté. J'ai trop tourné en rond et lui, tu m'as pas lâché. Qui dit que c'est pas rappé? Posé devant le mic tous les jours sans penser au jour d'après. Si je bois du jazz, que je m'envoie très loin. Si je bois du jazz, je m'envoie très loin. Si je bois du jazz, que je m'envoie très loin. Loin, loin. Si je bois du jazz, je m'envoie très loin. Bip balalada. Bip balalada. Bip balalada. Si je bois du jazz, je m'envoie très loin. Bip balalada. Kill a ouais quand t'as rien. Tu t'es manqué pour tout c'est rien. Fais pas le mec sur le terrain. T'es chaud contre moi, je suis serein. Dans un stade où le mal veut mon bien. Un prince c'est celui qui te veut du bien. Y'a pas que toi à la suite des brûlins. Rouge quand je suis avec les miens. Oh. Tu connais. Et si t'as un souci, on va finir par se donner. Si je bois du jack, je m'envoie très loin. Si je bois du jack, je m'envoie très loin. Si je bois du jack, je m'envoie très loin. Loin, loin. Si je bois du jack, je m'envoie très loin. Bip balalada. Bip balalada. Bip balalada. Si je bois du jack, je m'envoie très loin. Pourtant je donne, je pense au frère derrière les barreaux. Sous longue peine, et elle t'a mis le barreau. Le sang de la veine, tu vas te péter une garrot. Faut que tu restes zen. Et je suis KO. Pourtant je donne, je pense au frère derrière les barreaux. Sous longue peine, elle t'a mis le barreau. Le sang de la veine, tu vas péter une garrot. Faut que tu restes zen. Si je bois du jack, je m'envoie très loin. Si je bois du jack, je m'envoie très loin. Si je bois du jack, je m'envoie très loin. Loin, loin. Si je bois du jack, je m'envoie très loin. Bip balalada. Bip balalada. Bip balalada. Si je bois du jack, je m'envoie très loin. Du jazz, je m'envoie très loin. Si je vois du jazz, je m'envoie très loin. Si je vois du jazz, je m'envoie très loin.